You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and around the world at kfai.org. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Hello, bonsoir. Tonight is a special show. It's a brand new show with a lot of newest artists. Allez, on y va. We're going to start with Amadou and Mariam with two songs from their latest album. The first one is L'amour à la folie, love to the point of being crazy, and On veut la paix, we want peace. And it's from their album from 2025, L'amour à la folie. Then, from the last album of Vanessa Paradis, we're going to listen to Le Retour des Beaux Jours. The Nice Days Are Back.

It was Amadou and Mariam with L'amour et la folie, then On veut la paix, and then Vanessa Paradis with Le retour des beaux jours. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to a band I was not familiar with, but I like. It's Yolande Bashing. The first song is called Les Vivants, The People Alive. And then the second song is CQSFDM, Ce qui se fait de mieux. What is the best? It is a play on word with CQFD, which means c'est ce qu'il fallait dire. It kind of changed the meaning a little bit. Then we're going to listen to an older song from Pomme. It's going to be Sans toi, without you. And it's from her album called En cavale, which means running away, from 2016. Me quitte pas, s'il te plaît. J'arrive. Va peine à aimer. J'arrive à peine à sortir de ma torpeur. Aide-moi à réparer. Et je vais m'amuser à réparer les vivants. Je vais m'amuser à réparer les vivants. Passer la nuit à pavaner sous le ciel bleu. soir. Ouais. Je fais ce qui se fait de mieux dans les bars le soir. Ce qui se fait de mieux en musique torchée. Je suis descendue du train, Paris au petit matin, sans toi. Et ce matin j'ignorais, Dieu, que ma vie commençait sans toi. Sans toi. demain sont les mêmes. J'ai le cœur en quarantaine sans toi. Paris ne veut plus rien dire. Si je dois la conquérir sans toi. It was two songs from Yolande Bashing, Les Vivants, and then CQSFDM with Ce qui se fait de mieux. And then Pomme with Sans toi. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting Nate Smith at the Fine Line Saturday, December 13th. Drummer, composer, and producer Nate Smith is back with his new album, Live Action. Nate Smith intentionally blurs the lines around jazz by incorporating pop, hip-hop, Afrobeat, and neo-soul, with his steady drumming being the thread that ties it all together. More information about Nate Smith at the Fine Line is available at first-avenue.com. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, kfai.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. And now we're going to listen to the band Pal, or Pale, and the name of the song is Quelle amoureuse, quelle amoureux. It means what a lover and what a lover, but in feminine and masculine. Then we're going to listen to L.E.J., which is a band from the suburb of Paris. Three women, and L.E.J. stands for their names, it's their initials. We're going to listen to the song Tic Tac from their last album called S'aimer, c'est une galère. To love each other is very hard, or it's an ordeal. Then we're going to listen to We Dad with Ton plus joli problème, your prettiest problem. Soudain à genoux et vaincu. saura ce que j'aimais le mieux et ce qui m'a finalement perdu. Quelle amoureuse, quelle amoureux. Il y en aura comme il y en a eu. Je prends trop de place dans tes pensées, ton espace. suis venue chambouler tes jours, te procurer tous tes détours. Tu dis que je suis une tornade, toi la paix, moi la grenade. Le feu quand tu souffles le froid, ton envers, ton endroit. It was Pal with Quelle Amoureuse, Quel Amoureux. Then Ellie J with Tic Tac. And We Dad with Ton Plus Joli Problème. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Léman with Adieu Musique. Goodbye Music. But Adieu is more like permanent, which is pretty intense, I really like it. And then we're going to listen to Faust with Vilaine Fille, Bad Girl. And then one song from Lynn called Ne me dis plus jamais. You should no longer tell me never. Mais c'est plus fort que moi quand je vois ceux qui vendent des disques en copie de ce qui se fait déjà. J'aurais aimé faire une carrière sans espérer celle de Johnny juste depuis le rideau derrière, voir une salle qui se remplit. Et je donne tout ce que j'ai pour ça depuis toujours et bien au-delà, pour qu'un connard me barre la route à se demander si il écoute ce qu'il a en face de lui, rien que moi et mes chansons, si ça vaut rien comme il le dit quand c'est pour moi toute ma raison. Ce que tu écoutes, ce sont mes tripes, voix comme elles ne sont pas parfaites, mais je suis plus qu'un simple chiffre sur lequel il faudrait promettre. On m'a même dit que pour plaire, il fallait faire de l'extrême droite. Dans mes chansons, chanter la haine plutôt que de chanter l'espoir. Mais là, de l'espoir, j'en ai plus. Je suis trop usé pour ça, de n'être jamais à la hauteur, de n'être rien d'autre que moi. Adieu musique. être un artiste, mais c'est plus fort que moi. J'ai tenté de faire du triste autre chose que ce qu'il n'est en moi. J'aurais aimé remplir des salles et voir les yeux des gens briller. J'aurais aimé soigner le mal par des chansons bien composées. J'aurais aimé vous faire rêver comme d'autres l'ont fait pour moi. Sache que j'ai tout essayé, mais que c'était plus fort que moi. Et le rideau se ferme sur la scène du grand théâtre, et je suis seul entre ces murs qui m'engloutissent dans le noir. Sache que j'ai tout essayé, sache que l'on m'a soutenu, que jamais rien je n'oublierai, que de la chance j'en ai eu. Alors si ça n'a pas suffi, adieu toi qui m'as tout donné, adieu toi le public, sache que je t'ai tant aimé, adieu toi la musique, toi qui m'as toujours soigné. Alors j'embrasse le pathétique de l'existence qu'on m'a volée. Adieu musique, t'es pas pour moi. Adieu musique, ne m'oublie pas. Adieu musique, t'es pas pour moi. Je suis une vilaine fille, complètement mauvais garçon. Une vilaine je ne tiens plus debout. Tu sais, je le pensais pas, ce que j'ai dit l'autre fois, t'es pas mauvais du tout. Alors pardonne-moi si je lance parfois les mots comme des coups. J'ai bien compris cette fois, ça se reproduira pas. Allez, rentre chez nous. Ça fait si longtemps que je t'attends. Ne me dis plus jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais au revoir. Tous les deux on s'aimait, on s'aimait. Et moi je veux t'aimer encore. Alors pourquoi tu pars? Ne me dis plus jamais, jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais au revoir. Toi et moi on savait, on savait. Dès le premier instant, dès le premier regard. Depuis je sors tous les soirs, je parle à des gens pour oublier que je vis dans un cauchemar et que j'arrive pas à me réveiller. Dis-moi pourquoi ça marche pas. Pourquoi je fais que penser à toi? Pourquoi les gens sont heureux et moi je fais que pleurer? Pourquoi je t'écris une chanson que tu n'écouteras jamais? Sauf si tu reviens. Sauf si tu reviens. Ne me dis plus jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais au revoir. Tous les deux on s'aimait, on s'aimait. Je veux t'aimer encore. Alors pourquoi tu pars? Ne me dis plus jamais, jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais. Au revoir. Toi et moi on savait, on savait. Dès le premier instant, dès le premier regard. Reviens. Allez, reviens. Je t'en supplie, reviens. Ne me dis plus jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais au revoir. Tous les deux on s'aimait, on s'aimait. Et moi je veux t'aimer encore. Alors pourquoi tu pars? Ne me dis plus jamais, jamais, jamais. Ne me dis plus jamais, jamais et au revoir. Toi et moi on savait, on savait. T'es le premier. It was Léman with Adieu Musique, then Faust with Vilaine Fille, and Lean with Ne me dis plus jamais. Support for KFAI comes from The Dakota, presenting Nicholas David, St. Nick's Show, and album release Wednesday, December 3rd. After 5 years in the making, Nicholas Davis is celebrating his first vinyl release, More Than Music. The St. Paul singer-songwriter has been making music for nearly 30 years. Nicholas David blends soul, country, gospel, and rock to create a sound unlike anyone else. More information about Nicholas David, St. Nick's Show, and album release is available at dakotacooks.com. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to another song from Lean called Matelot. It's a sailor. Then Marie Espinosa with La Pleureuse, or The Crier, someone's crying. And Evangeline Charlotte with Anima. Yeah. Il était brave, il était beau, les yeux couleur qu'on retient. Une vieille bague à sa main gauche avec un nœud de marin. Il n'avait rien à offrir si ce n'est son sourire bohémien. Je ne sais pas comment lui dire que ce sourire, moi je l'aime bien. C'est comme une évidence de vous à moi. J'en tremble quand j'y pense, je l'aime déjà. Il m'a dit, j'aimerais que tu te jettes à l'eau, mon beau matelot. Moi j'ai dit, ça va vite un peu trop. Et mon cœur fait des vagues, il navigue solo sur son bateau. Mon beau matelot, il m'a dit, j'aimerais que tu te jettes à l'eau, rien qu'une fois. Tout l'équipage lui tournait le dos, alors j'ai tendu ma main. Ils ne comprennent pas que ses défauts font de lui un homme bien. On s'attire comme on s'adore, j'aimerais le suivre mais je me retiens. Tout va si vite que l'on s'évite, toujours un peu plus que demain. C'est comme une évidence de vous à moi. J'en tremble quand j'y pense, je l'aime déjà. Il m'a dit, j'aimerais que tu te jettes à l'eau, mon beau matelot. Moi j'ai dit, ça va vite un peu trop. Et mon cœur fait des vagues, il navigue solo sur son bateau. Mon beau matelot, il m'a dit, j'aimerais que tu te jettes à l'eau, rien qu'une fois. Changer de paysage, je ne veux rien d'autre. Je préfère pleurer de toi que rire avec un autre. Je préfère rêver de toi que vivre avec un autre. Salut, c'est moi, la veilleuse, l'amoureuse. Ta beauté, oh mon amour, viens faire valser les toujours, viens tout contre ma peau, concerto, symphonie, joie de ma vie. Viens, viens, viens, dans mon coin de caresse, mais la promesse de mes fesses, eh bien, tu t'en fous, voilà tout. Salut, c'est moi, la Llorona, mais j'entends tes pas. C'est toi, c'est toi, c'est toi, toi. Je ne veux pas d'un monde de robots. Je ne comprends pas ceux qui disent bravo. Tout s'accélère dans le labo géant. Oui, les robots prospèrent. Nous, on va où maintenant? Emotions, non, pas dit. It was Lean with Matelot, then Marie Spinoza with La Pleureuse, and Evangeline Charlotte with Anima. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. As regard to the upcoming events, feel free to go on our Facebook page for Bonjour Minnesota and look at the events. And we typically save as the events that are interesting or connected to the French community. This is the final week of voting for the next term of the Fresh Air Board of Directors. All donor and volunteer members are eligible to vote. Cast your ballot and find more information at kfai.org/elections. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, kfai.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Charlotte Cardin, who's very successful these days in France, with Tant pis pour elle, Too Bad for Her. Then the band Belfour with Les Voiles, or The Sails, and Assolant Vierge with Influenceur. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux. Le Dieu de mon ciel, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et toi le Dieu de mon ciel. Fini ce bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je la vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne la rappelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. C'est notre lune de miel, et tant pis pour elle.

Mytho, la short, t-shirt, stalker. 10 joueurs, 10 joueurs. It was Charlotte Cardin with Tant pis pour elle, then Belfour with Les Voiles, and Ascendant Vierge with Influenceur. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Les Frères Douillardius, Paladin de la Vibe, and the name of the song is Les Gens Bizarres, Weird People. And I really like it. Then we're going to listen to two songs from Black M. The first one is Tagada, and the second one, featuring Le Doc, is called Langue de Vipère. A viper is a viper. It's a snake. So when we say like a viper snake, it means that people don't say good things about you, often behind one's back. J'aime les gens bizarres, ceux qui font tâche, les moutons noirs, les canards maladroits, dans un monde trop lisse, trop sage, et ils brillent autrement, et ça me touche, tu vois. Ils marchent de travers, mais leur pas résonne, ils cassent la cadence et la chanson monotone, et dans leurs yeux, il y a des flammes discrètes, des univers entiers qu'on ne soupçonne peut-être. Les gens bizarres sont les grandes beautés, ils peignent de la couleur sur nos idées noires, ils sont les nuances qu'on avait oubliées, des éclats d'étoiles dans le miroir, et si parfois ils semblent à part, ils nous rappellent que l'imperfection c'est la vraie définition de l'harmonie, un souffle, une audace, une chanson. J'aime les silencieux, les observateurs, ceux qui restent à l'écart mais voient tout en douceur. Ils collectent les instants sur leur rétine et transforment le banal en chose divine. J'aime les rêveurs, les éveillés, les curieux, ceux qui regardent plus haut, au-delà des cieux. Ils entendent la musique même dans le silence et leurs mots sont des notes pleines de confiance. Les gens bizarres sont les grandes beautés, ils peignent de la couleur sur nos idées noires. Les nuances qu'on avait oubliées, des éclats d'étoiles dans le miroir. Et si parfois il semble à pas, il nous rappelle que l'imperfection c'est la vraie définition de l'harmonie. Être un mouton noir ce n'est pas un défaut, c'est marcher dans le vent, c'est tracer son mot, c'est sortir du cadre, peindre autrement et donner au monde un nouvel élan. Ils construisent des routes en zigzag fragiles, mais chaque détour a sa beauté subtile. Et moi, je les aime pour ça, pour leur faille, leur éclat, leur pas maladroit. J'aime les excentriques, les artistes sincères, ceux qui bâtissent des mondes dans l'air. Ils ne suivent pas les règles qu'on leur impose, ils savent que ces règles n'ont jamais eu de rose. Il y a de la magie dans leur façon de penser, des étoiles entières dans leurs mots jetés. Et quand ils parlent, c'est comme des fragments, des éclats de lumière qui brillent en chantant. Les gens bizarres sont les grandes beautés, ils peignent de la couleur sur nos idées noires. Ils sont les nuances qu'on avait oubliées, des éclats d'étoiles dans le miroir. Et si parfois ils semblent à part, ils nous rappellent que l'imperfection c'est la vraie définition de l'harmonie, un souffle, une audace, une chanson. Les gens bizarres sont nos vérités, ils donnent un sens au regard qu'on égare. Ils sont les couleurs que le monde attendait, les sourires timides, les feux dans le brouillard. Et si tu penses que je parle de toi, alors merci, merci d'être là. Ta maladresse, c'est une sagesse sociale, et ça, ça m'est essentiel. J'aime les gens bizarres, ceux qui brillent autrement et dans leur différence. Je trouve mon apaisement. Je sais pas pourquoi je m'investis, je suis pas le genre à tout lâcher, mais pour elle je suis prêt, je veux juste qu'on s'en lasse. Le linge est sale, y'a pas de lessive, en plus on est en public. Viens on fait la paix, viens avec moi faire le tour de la terre. Plus on s'attache, plus on veut se faire du mal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Lorsque tes beaux yeux

Then Black M with Tagada and Langue de Vipère featuring Le Doc. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Red Thread and Pony Folk Sing Jingle Bells Friday, December 12th. Red Thread and Pony Folk are two Minnesota-based ensembles devoted to building community around Midwestern European roots music. The two bands team up to present an alternative holiday celebration, sharing new and old songs of winter, luck, and family from Scandinavian, Yiddish klezmer, Slavic, English, and Irish roots. More information about Red Thread and Pony Folk Sing Jingle Bells is available at thecedar.org. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Lek, who's doing a mix of electronic and classical. And this one was a live version. It's the song Fugue, like running away. It was part of the concert Piano Day from Arte au Théâtre du Châtelet. Then another instrumental with Jean Soulier, with Paris Lux with voice. And it's part of the RFE instrumental, kind of electronic and usually down tempo. Was Collectif Métissé with On n'est pas fatigué, then Lake with Fugue, and Jean Soulier with Paris Luxe with Voice. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide on 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to someone I discovered on Bandcamp. His name is Maxime Boda, and it's instrumental as well. And the name of the song is L'Aérodynamisme, and it's from his album Pink Planet or Rose Planet. Then we're going to listen to Jacques Dutronc with On nous cache tout, on nous dit rien. We're hiding everything from us, and they are not telling us anything. It was kind of plus or less a protest song. And then we're going to listen to All the Laugh with La Peine de Mort. And he's kind of listing all the people who deserve like the death penalty. But it's a goofy song. So, well, like people who go too slow on the left lane or things like that. Son manager. que de faire? Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous casse tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque a-t-il été déclaré au fisc? On nous casse tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La peine de mort pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin. La peine de mort pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin. La peine de mort pour les gens qui courent après train en faisant coucou. La peine de mort pour les gens qui mettent un aileron à leur kangourou. La peine de mort pour les mecs qui savent pas viser dans la cuvette. La peine de mort pour les filles qui veulent pas nettoyer juste après. La peine de mort pour les gens qui mettent des chaussettes en sandales. Médecins qui disent oui, ça va picoter un peu. La peine de mort, la peine d'accord, la peine trop fort, la peine encore, la peine de mort. Pour les filles qui te disent je couche pas la première fois. La peine de mort qui te dit je couche pas la deuxième fois non plus. La peine de mort pour les filles qui te disent je préfère qu'on reste amis. La peine de mort pour les filles qui veulent bien coucher mais qui sont moches. La peine de mort pour les gens qui parlent à 10 cm de toi. La peine de mort pour les gens qui ont un fond d'écran avec tes chats. La peine de mort les gens qui font l'accent au resto chinois. La peine de mort pour les programmateurs musique des pizzerias. La peine de mort, la peine d'accord. Toi plus moi plus vous et pour Grégoire. La peine de mort pour les gens qui veulent copier la musique de Drive. La peine de mort pour les mamies avec les cheveux tout violets. C'est pour bientôt pour les gens qui sont vraiment pour la peine de mort. La peine de mort, la peine d'accord. We just listened to Maxime Baudin with L'aérodynamisme, then Jacques Dutron with On nous cache tout, on nous dit rien, and Oldelaf with La peine de mort. Tune in to hear Minnesota's newest statewide newscast, North Star Stories, Voices from Where We Live. Each week, we bring you stories and perspectives from across the state's diverse communities. North Star Stories amplifies voices too often missing from our state's news. Black, Indigenous, and communities of color, people living with disabilities, elders, LGBTQIA2 spirit residents, and those in Greater Minnesota. Find North Star Stories, Voices from Where We Live, in your station schedule and wherever you get your podcasts. Produced by Ampers, Diverse Radio for Minnesota's communities. Every Friday at 1 p.m. right here on 90.3 FM KFAI. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. For the last set, we're going to listen to Tété with La Fête, or The Party. Then Stéphanie Cher with a new song called Poussière d'Or, or Gold Dust. And then an instrumental from Youthy and the Sister, and it's called Dub in Abbess. And I'm not sure this is exactly the meaning, but Abbess is a metro stop in Paris in the 9th arrondissement. And they're French. Whoa! Whoa! Début d'une sale affaire, ce texto reçu hier, histoire d'anniversaire, en 32 caractères, à l'autre bout de l'écran, un illustre Bertrand, inconnu bataillon, me pose pas la question, la perspective j'avoue, me la coller ce soir, me dire que bon je m'en fous, que vivre c'est se coucher tard, ne me séduis c'est drôle, que peu mais fut un temps, je embrassais le rôle, avec celle en criant. Life's a party tonight, c'est la fête. Le soir venu au top, une veste d'il y a 5 ans, ni vu ni connu, hop, je m'en fous tant que j'en dedans. À la porte une grande blonde, me toise de bas en haut, on n'est pas du même monde. Wesh, ouais, je viens du ghetto, envie de mettre des coups de cric. À que neige un rempart, vin repli stratégique. Je me dirige vers le bar, bière mouvement capillaire. Pour garder contenance, ça va être dingue, c'est clair. Ça et la légende danse. Life's a party tonight, c'est la fête. Jackson, ce soir plus rien ne m'étonne. Juste à côté de filles se repoudre le nez, c'est la fête. Ça et là des cadavres d'un mauvais cubi. Au salon l'écho d'un Seven Nation Army. La pluie de doute sur la nature de ma déroute. Pousse gang. Je suis resté fort, ok, il y avait verre, mais j'aime pas qu'on prenne de roue. Ma vertu cardinale, j'ai bien ma vie sociale, mais bon point trop d'en fous. Et c'est qui ce godot, mon petit moment de soleil, ça je l'aurai demain, quand tout frais de la veille, j'arriverai au turbin. Tous demanderont alors le caviar du DJ. Je répondrai de l'or, les mots me manquent, c'était Life's a party tonight, c'est la fête. Ooh, c'est rock around midnight. poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain, vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'habillent, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et mon monde pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir, si au matin bleu, comme l'eau au lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Sinon, de goudron à main. Sinon, le miroir des âmes. Quel choix de garder la foi. Quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.